بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنخوض المسألة 29 في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Dans le sens où Allah Azza wa Jal il dit et ceux qui le supportent, c'est-à-dire le jeûne, ou alors une compensation en nourrissant des pauvres. Une compensation en nourrissant des pauvres. Sourate Al-Baqarah, verset 184. قال المؤلف رحمه تعالى هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على الصوم على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام. Donc ce verset, dans son apparence, laisse entendre que celui qui est en mesure de faire le sixième de Ramadan a le choix entre le fait soit de jeûner ou soit alors de nourrir des pauvres. قال وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم وهي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية. Et dans d'autres versets, il est venu que justement ce siyam a été rendu obligatoire de façon stricte pour celui qui est en mesure de l'accomplir, c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. Dans son parole, dans le sens où il dit et celui d'entre vous qui voit, c'est-à-dire qui est présent lors de Ramadan, qui n'est pas majeur, qui est en bonne santé, alors qu'il jeûne ce mois. Dans le verset 185 de sourate Al-Baqarah. Donc là, on a en apparent comme une forme de contradiction. وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا بِأَمْرَيْنِ. Donc il répondra à cela par deux points. أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْحَقِّ أَنَّ قَوْلَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Donc la première réponse est qui est l'authentique, celle choisie par l'auteur, et qui paraît comme étant la plus forte également, c'est que sa parole, dans le sens où Allah il dit, est que celui qui est en mesure de jeûner, il peut soit jeûner ou soit donner une compensation en nourrissant des pauvres. Ce verset-là a été abrogé par le verset d'après. Où Allah, dans le sens où il dit, et celui d'entre vous qui est présent lors du mois de Ramadan, et qu'il le voit, qu'il n'est pas malade, qu'il n'est pas voyageur, alors qu'il jeûne. Donc le deuxième verset a abrogé le premier. Et de là, on ouvre la parenthèse, des ulama voient que celui qui n'a pas jeûné pour un empêchement légiféré, comme la maladie, comme la vieillesse, ou relevalika, il ne lui est pas obligatoire de nourrir des pauvres en compensation pour chaque jour non jeûné. Car le verset qui dit de nourrir, cela a été abrogé par le jeûne, par le verset de l'obligation du jeûne. Et ce verset qui disait de compenser, celui-ci était pour ceux qui avaient le choix entre le fait de jeûner ou de ne pas jeûner. Quant à celui aujourd'hui qui est en mesure de jeûner à la base, mais il lui arrive un empêchement et qui ne peut rattraper ces jours-là, d'accord ? Ils disent qu'il n'y a pas de dalil qui disent qu'il doit expier ces jours-là en nourrissant des pauvres. En réalité, car le verset qui stipule cela a été abrogé. Adakol. Mais malgré cela, ils voient que iktida'an bis sahaba, que cela est recommandé de le faire, et en même temps, la personne sort du khilaf et prend l'avis le plus prudent. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils le font quand même. Cela est recommandé car des sahaba l'ont fait, comme ce fut le cas également l'avis qui va arriver par la suite de Anas ibn Malik radhiyallahu anhu et autres. Donc ils disent qu'il le fasse, mais si jamais il ne le fait pas, nul grief sur lui, il n'y a pas de péché par rapport à cela. Naam. Donc ça c'était la première réponse. Deuxième réponse, anna ma'na yutiqunahu la yutiqunahu bi taqdir la an-nafiya wa 'alayhi fa takunu al-aya muhkamatan wa yakunu wujub al-it'am 'ala al-'ajiz 'an as-sawm wal-harim. Donc là, le sens de yutiqunahu, c'est-à-dire qu'il supporte le jeûne, en réalité, il y a une négation qui est sous-entendue. En fait, c'est ceux qui ne supportent pas le jeûne. Donc le verset est toujours effectif, et celui qui ne supporte pas le jeûne doit, lui, expier et compenser ces jours-là, comme quelqu'un qui serait âgé, ou qui serait malade et qui ne peut rattraper, lui, il nourrit des pauvres. Donc ceux qui voient qu'il faut nourrir un pauvre se basent sur le fait que le verset n'est pas abrogé. Et qu'il y a une négation sous-entendue. qui n'est pas prononcée, mais qui est effective. قال واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يتوكونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين بمعنى يتكلفونه مع عجزهم عنه. Et certains justement se sont basés sur ce qol-là en prenant la lecture de certains sahaba où ils ont dit à la place de yutiqunahu, ils ont dit yutawakunahu, avec une shedda sur le ta et sur le waw, et les deux sont maftouha, qui a le sens de ceux à qui ce jeûne est imposé et qui ne peuvent l'accomplir. Wa ala hada al-qawl fayajibu ala al-harami wa nahwihi al-fidya. وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه. Donc là, ceux qui prennent ce cours-là voient l'obligation pour celui qui n'a pas pu jeûner pour une raison légiférée et qui ne peut rattraper, qu'il doit expier ses jours passés en nourrissant un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et c'est l'avis choisi par le Bukhari, rahimahullah ta'ala, et lui se basant sur les actes de Anas ibn Malik. رضي الله عنه فهذا هو الجمع في المسألة والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين